Le quatrième rendez-vous des deux amants avait été pris, au dernier moment du troisième, absolument comme autrefois la comédie italienne annonçait à la fin de la représentation le spectacle du lendemain. L'heure dite était 9 du matin. Au jour de l'échéance de ce bonheur, dont l'espérance faisait accepter aux passionnés vieillards la vie de famille, vers 8 heures, Reine fit demander le baron. Hulot, craignant une catastrophe, alla parler à Reine, qui ne voulut pas entrer dans l'appartement. La fidèle femme de chambre remit la lettre suivante au baron. « Mon vieux grognard, ne va pas rue du Dauphin, notre cauchemar est malade, et je dois le soigner. Mais sois là ce soir, à 9 heures. Crevel est à Corbeil, chez Monsieur Lebas. Je suis certaine qu'il n'amènera pas de princesse à sa petite maison. Moi, je me suis arrangée ici pour avoir ma nuit. Je puis être de retour avant que Marneffe ne s'éveille. Réponds-moi sur tout cela, car peut-être ta grande élégie de femme ne te laisse plus ta liberté comme autrefois. On l'a dit si belle encore que tu es capable de me trahir. Tu es un si grand libertin. Brûle ma lettre. Je me défie de tout. » Hulot écrivit ce petit bout de réponse. « Mon amour, jamais ma femme, comme je t'ai dit, n'a depuis 25 ans gêné mes plaisirs. Je te sacrifierai 100 Adeline. Je serai de retour ce soir à 9 heures, dans le temple Crevel, attendant ma divinité. Puisse le sous-chef crever bientôt. Nous ne serions plus séparés. Voilà le plus cher des vœux de ton Hector. » Le soir, le baron dit à sa femme qu'il irait travailler avec le ministre à Saint-Cloud, qu'il reviendrait à 4 ou 5 heures du matin, et il alla rue du Dauphin. On était alors à la fin du mois de juin.